like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Never end it'll begin on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running ring around the moon, like a clock whose hands are weeping past the minutes on its face, and the world is like an echo whirling silently in its space, like a circle that you find in the windmills of your mind. Comme le chevaux de laine entre les mains d'un enfant, le monde d'une rengaine brille dans les arbres du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur de forêts de Norvège, sur de moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'une tension dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de ton cœur. Ces jours la plaie de la source, Dieu sait que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nu pas s'efface déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous la goutte de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent dans les ciels moins bleus, ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers d'élans dans l'eau. Au vent de quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.